touché dans les houles. Sec, produit de la tête. Stress, on ne vient pas tête. Stress, YJNH, nos lettres de noblesse. On parle, couche, te parle de flouze, de crime au mic, pyromane en brase. Les foules, c'est du rap, du business. Paf, ce qu'ils blessent. Booster la merde dans le club, c'est normal. J'y ai mis ta caisse. Je fais du rap, free fight, j'suis pas un judoka. Mais respecte les bails de ma clique ou mes nègres se penchent en ton cas. Oh, mes gars du 9-1 trafic, les hits 300, les putes et leur tectonique qui se barre du 9-1-300. Le son de ceux qui bisent dans les cavelas. Au passez-moi l'intro sur un fond de burn comme dans les favelas. Ça pousse la fonte et le vice à mort, pousse mes troncs fichales. J'écharge sur un de rouge bar, si le mouton chiale. Lève le bras, Renoir, si t'as le cœur qui suit la vibe. Les icônes, c'est Barry White, gros, c'est pas les White. Dis ton coup, rien que ça braille, on sait même pas c'est qui. Blâche, je te répète, fuck les brins, j'veux la place du king. Kick une grosse caisse, résultat du son qui blesse. Graver ses vocaises, ça va bouger dans les halls. Sec, produit de la tête. On ne vient pas tête. YPNH, nos lettres de nos plaies. Kick une grosse caisse, résultat du son qui blesse. Graver ses vocaises, ça va bouger dans les halls. Sec, produit de la tête. On ne vient pas tête. YPNH, nos lettres de nos plaies. Mélangeant les voyelles et les consonnes. Nous sommes seuls, tellement fort que les Wack MC restent au sol. On se passionne pour la zig, change la donne quand on s'implique. Chaque tacle qui flippe et fait des flaques de pisse dans le slip. Tout ce style que j'utilise, le MIC je charge et vise. Crache des pastilles, casse des villes et retire ton blast de la liste. J'entre en piste, mais c'est pas dans le but de finir finaliste. L'objectif, c'est d'accaparer de la victoire, fuck la piste. Rappe à tout terrain, galérien, des ghettos parisiens. Dans tes enceintes, on installe du lest, Madine souterrain. Je prends les reins sur chaque critique. Chaque mesure à ta victime. Rip en pelle de rime qui te pète sur le ring. Les pas string pas perdre la team. Crime audiophonique, les pratiquants de rap sale ici. Des killers précis qui que ça. Joue du dort du South MC. YP la passe tout c'est le H élément perturbateur. Apprécie, lève les bras, on lève les pas le menteur. Kick une grosse caisse, résultat du son qui blesse. Graver ses vocaises, ça va bouger dans les halls. Sec, produit de la tête. On ne vient pas tête. YP et NEH, nos lettres de nos plaies. Kick une grosse caisse, résultat du son qui plaît. Graver ses vocaises, ça va bouger dans les halls. Sec, produit de la tête. On ne vient pas tête. YP et NEH, nos lettres de nos plaies. Si tu te reconnais dans nos dièses de love, adultère, crime et rime, gentil roue arrière ou face contre terre. C'est chaud, t'as kiffé sur flash, la connexion, y'a boy, c'est le départ. Donc abdique, mec, et pas de fight. Boy, à l'arrière, mon armée comme fusil d'épaule qui vise la pole. Position avec des bons bails contre ses épaules, celle-là c'est pour tous nos potes au bloc. Beurre et black qui nous supportent, qui nous donne la force d'avancer pour casser des portes. C'est le son des blocs, man, grimper sa cote, man. C'est le son de ceux qui tiennent le texte en haleine, man. En peu de secondes, la sonne. On tège la sauce qui te monte au crâne. T'inquiète pas, on vient se faire notre place avant le cause des traps. C'est le son des blocs, man, grimper sa cote, man. C'est le son de ceux qui tiennent le texte en haleine. Désormais un stream me blase. Nervy YB car. Ouais, on est bien là et bien.